France Culture. France Culture la nuit, une mémoire radiophonique. Il faut le reconnaître, j'aurais été, tout au long d'une existence déjà plus qu'octogénaire, un privilégié, disait Théodore Monod dans les dernières années de sa vie. Une famille aux fortes traditions spirituelles, un idéal moral exigeant peut-être, vécu non comme une contrainte mais plutôt comme une libre adhésion à de salutaires principes, des parents d'une grande culture et ne vivant que pour le double service de leur Dieu et de leurs frères, une hérédité saine et qui, jointe à une simplification systématique de la vie matérielle, n'aura pas nui à ma longévité. Dans les entretiens qu'il accordait en 1982 à Jean-Pierre Spilmont et Claude Hervian dans Les Chemins de la Connaissance, les convictions spirituelles de Théodore Monod se manifestent dans chacune de ses paroles. Parole d'un scientifique convaincu que la science ne peut tout se permettre. Parole d'un marcheur sur cette terre dont les pas étaient guidés par la morale et l'éthique tout autant que par la curiosité. Parole d'un homme libre refusant la brutalité des hommes, refusant d'un seul bloc la souffrance infligée par les hommes à d'autres hommes, mais aussi aux animaux et à tout ce qui vit ici-bas. Théodore Monod, aujourd'hui, j'aimerais vous poser une question à propos de la survie sur la planète. Vous avez parlé qu'il fallait que les hommes et surtout les dirigeants fassent très attention à leur façon de faire, mais vous semblez penser que ce n'est pas seulement uniquement par rapport aux humains, que le rapport avec tout ce qui est vivant, et notamment les animaux, est quelque chose de très important. Ah, mais c'est-à-dire que je pense que tout se tient à la surface de la planète. La vie, c'est quelque chose de global, pas d'unique, et ça comporte à la fois les êtres humains, bien entendu, ça comporte aussi les autres êtres vivants, c'est-à-dire les animaux, et pourquoi pas également les plantes, naturellement. Et c'est très important, probablement, de savoir que tout se tient à l'intérieur de l'univers, à l'intérieur du cosmos, et que notre comportement doit s'inspirer de cette constatation et de cette conviction de l'unité du monde. Au fond, c'est l'attitude morale et éthique que l'homme devrait avoir à l'égard des autres êtres vivants. Parce que, en fait, nous vivons dans un climat psychologique qui nous présente comme une sorte de monarque, de roi de la création. Nous sommes le roi de la création. Et par conséquent, nous, à ce titre-là, nous avons le droit d'user, d'abuser, de faire des autres êtres vivants n'importe quoi, de les faire souffrir, de les dévorer, de les détruire. Alors c'est une attitude, je crois, qui est très extrêmement grave parce qu'elle évacue tout aspect d'abord de pitié et de sympathie pour le reste des êtres vivants. Et alors, historiquement, ça s'explique, bien entendu. Il y a d'abord les trois grands monothéismes, pas le judaïsme, le christianisme et l'islam, ont cette idée que l'homme est le roi de la création, et c'est une vision très, qu'on pourrait appeler très anthropocentrique du monde. La Genèse nous raconte ça, bien sûr. La Genèse, c'est un poème qui est plein de choses intéressantes. Cette attitude orgueilleuse, il faut dire les choses, cette attitude orgueilleuse vient en partie de là. Et alors, sur ce premier fait historique, est venu se greffer le cartésianisme, c'est-à-dire l'animal-machine. Et par conséquent, un être auquel on pouvait faire subir n'importe quoi, impunément et sans transgresser les règles de la morale. Malebranche, qui était un très doux personnage, flanquait des coups de pied à sa chienne. Enfin, il y a un incident qu'on en raconte dans la biographie de Malebranche à ce sujet, mais il n'en avait aucun remords. Ce n'étaient pas des êtres sensibles, c'était des objets. Et par conséquent, vis-à-vis d'un objet, on a moins de scrupules qu'envers un être sensé et souffrant. Alors ça, c'est très mauvais. Et c'est de là que vient notre attitude actuelle. Alors, il n'y a pas si longtemps qu'il existe en France une loi codifiant les modes d'abattage dans les abattoirs et exigeant certaines précautions. L'abattage humanitaire, l'obligation du pistolet automatique ou de la narcose ou de la passe électrique, c'est tout à fait récent, ça date d'une vingtaine d'années en France. Et encore actuellement, chaque année, l'œuvre d'assistance aux bêtes d'abattoir est obligée de déposer des plaintes et découvre que même des abattoirs officiels sont en infraction vis-à-vis de la loi. Alors ce qui se passe en dehors des abattoirs, on peut imaginer ce que ça représente. Là aussi, on n'a pas encore pris conscience suffisamment des exigences de la morale. L'élevage en batterie, c'est une chose abominable en réalité. C'est horrible. Ces animaux qui sont élevés dans des conditions tout à fait artificielles, quelquefois dans l'obscurité, qui ne peuvent pas, qu'on empêche de se coucher, qui doivent rester debout, qui sont à moitié enchaînés, etc. Il y en a qui deviennent fous, d'ailleurs, en particulier chez les volailles. Il y a des cas extraordinaires. Et puis ces poules auxquelles on coupe le bec, auxquelles on coupe les ongles pour qu'ils ne s'égratignent pas entre elles, qui sont tassées les unes contre les autres. Ce sont des procédés tout à fait scandaleux. À partir du moment où la pitié et la sympathie ne gouvernent pas les actions humaines, à partir de ce moment-là, on n'a aucun scrupule à faire n'importe quoi pourvu que ça soit rentable. D'ailleurs, c'est le consommateur, dans une large mesure, qui est responsable aussi. S'ils demandent le produit qu'ils estiment être savoureux, mais ils ne savent pas ce que c'est que le gavage des oies, ou ils ne savent pas que les grenouilles sont quelquefois coupées en deux avec des ciseaux, etc., sans les tuer, d'ailleurs. Elles ne meurent qu'après, lentement, très lentement. C'est tout ça, c'est abominable. Mais il n'y a pas que ça, il y a les jeux sanglants auxquels nous pratiquons. Le tir au pigeon vivant est enfin interdit en France, c'est pas longtemps. C'est une petite chose qu'on a, mais les combats de coqs continuent. C'est les horribles corridas, les courses de taureaux continuent dans une bonne partie du midi de la France. Avec toujours cette littérature romanesque et romantique et sur ce combat de l'homme et de la bête, etc. Ça remonte loin d'ailleurs, les combats de gladiateurs et les combats de cirque. Il y a eu un pape qui a fait un texte, il s'appelait Pie V, je crois d'ailleurs, contre les courses de taureaux, et puis il y a eu des évêques, l'évêque de Nîmes, au 19e siècle, un certain évêque de Nîmes a été courageusement protesté contre les courses de taureaux. Et d'ailleurs, il était assez psychologue parce qu'il avait senti qu'il y avait une liaison entre le goût du sang et la sexualité. Ah. Parce que c'est très trouble, tout ça. C'est pas si simple. C'est pas uniquement le sadisme de voir torturer une bête vivante. Il y a un refoulement, là. Oui, il y a autre chose aussi. C'est très net. Monterland le savait bien. Il l'a avoué, d'ailleurs. La vivisection, c'est encore une horreur. L'expérimentation animale. Alors, on vous dit toujours, oui, c'est nécessaire pour... parce que c'est pour soigner les hommes. C'est quelquefois vrai, bien entendu. Mais il n'y a pas que ça, parce que beaucoup d'animaux d'expérience servent pour tester des cosmétiques, par exemple. Il y a un mouvement qui se développe actuellement, même parmi les fabricants de cosmétiques, qui ont décidé de ne plus avoir recours à l'expérimentation animale, et qui vendent maintenant des cosmétiques, enfin des produits de beauté, d'une façon générale, en garantissant qu'ils n'ont pas été... tester de façon inhumaine sur des animaux. Ça, c'est très bien, c'est une chose excellente. Dans les tests médicaux aussi, il y a beaucoup de choses qu'on peut faire maintenant. Au lieu de s'adresser directement à un animal adulte, de s'adresser à des cultures de tissus, puisqu'on peut, prélever des cultures de différents tissus animaux, même humains d'ailleurs, et tester sur cette culture, alors, l'effet de tel ou tel médicament. Alors là, on évite tout recours à la brutalité vis-à-vis des animaux. C'est une chose excellente. On a fait très longtemps fumer de malheureux lapins auxquels on mettait des masques, etc. On leur mettait des cigarettes dans... Tout ça pour savoir si le tabac était toxique. On le sait depuis de belle lurette. Et alors, pour diminuer de petits pourcentages... la proportion de nicotine des produits de notre Saïta, on infligeait des traitements abominables à des quantités d'animaux. C'était pas du tout indispensable. Et également dans l'enseignement, il y a des quantités d'expériences qu'on répète indéfiniment, qui sont toujours les mêmes. C'est pas du tout indispensable de recommencer chaque fois. D'autant plus que maintenant, on a de très beaux documents avec l'audiovisuel. On n'a pas le droit de faire de la vivisection dans les lycées ou dans les collèges. Alors, il y a la chasse, bien sûr. D'ailleurs, la chasse dite sportive est devenue en Europe tout à fait anachronique et archaïque. L'homme préhistorique devait chasser, bien sûr. Les Esquimaux sont encore forcés de se nourrir de phoques. Mais dans nos régions, ça n'a plus aucune. Il n'y a aucun prétexte, il n'y a aucune nécessité. On tue parce qu'on s'amuse à tuer. On tue par plaisir. C'est un vieil instinct, bien sûr. Ça remonte très loin, mais. Et ce n'est pas parce que c'est un vieil instinct qu'il est nécessaire de le conforter et de prolonger ce genre de barbarie. Il n'y a aucune raison de tuer des animaux innocents pour le plaisir. Alors, c'est très amusant parce que d'abord, les chasseurs actuellement se présentent comme les grands protecteurs de la nature. C'est eux qui protègent la nature. En réalité, ils protègent le gibier pour pouvoir en tuer plus facilement. Et puis alors, il y a aussi cet argument singulier. Il y a des chasseurs qui sont quand même un petit peu honteux. Alors ils disent, oui, mais moi c'est parce que j'aime me promener dans la forêt, le respirer, etc. Le contact avec les grands espaces libres. Bon, ben moi aussi j'aime bien me promener dans les forêts. Mais j'ai pas besoin d'un fusil pour ça. Une canne me suffit, un bon bâton, ça me suffit pour marcher tranquillement aussi longtemps que je veux dans la forêt, sans faire de bruit d'ailleurs par-dessus le marché. Parce que le chasseur, c'est épouvante les animaux. Alors, il y a des législations sur la chasse, bien sûr, mais elles ne sont pas toujours très bonnes. Par exemple, la chasse aux oiseaux d'eau, en France, est tolérée à partir du mois de juillet, ce qui est une hérésie au point de vue écologique, parce que cette chasse-là est ouverte à un moment où les canards colverts ne sont pas encore tous envolés. Les jeunes ne sont pas encore envolés, il y a encore des poussins, ou des jeunes en train de grandir, c'est tout à fait misérable qu'on puisse tirer sur des couvées de canards. Et puis alors, il y a une série de dérogations locales, souvent d'ailleurs avec la complicité du préfet. Il y a les tenderies dans les Ardennes, il y a les pentes dans les Landes, il y a la chasse aux palombes, il y a les massacres qui se pratiquent sur les cols des Pyrénées. Les protecteurs ont loué un col pendant un certain temps, ça continue, et maintenant on se cotise à travers la France pour acheter un col qui, au moins, il y aura un endroit où les Pyrénées pourront être franchies par les oiseaux sans se faire fusiller. En Mauritanie, par exemple, dans le parc national du Banc d'Arguin, c'est prodigieux en hiver, dans ce parc national, il y a 2 à 3 millions d'oiseaux migrateurs qui sont venus du Spitzberg, qui sont venus de Norvège, etc. Ceux qui ont échappé, qui ont réussi à traverser la France sans se faire fusiller au passage, viennent passer l'hiver dans les vasières et les herbiers du banc d'Arguin. Alors, ces oiseaux-là appartiennent à tout le monde. Il faut leur laisser la voie libre d'un bout à l'autre de leur circuit migratoire spontané et naturel. Si on arrive à s'entendre au niveau de l'Europe. D'ailleurs, nos voisins ne voient pas de tellement bon oeil les massacres qui se produisent en France. Mmh. Les Hollandais sont pas enchantés, les Belges non plus, les Scandinaves non plus, mais en France, il y a beaucoup de chasseurs, bien sûr. Mais il y a aussi des non-chasseurs. Et alors, nous insistons pour que les droits des non-chasseurs soient également respectés. Mm-hmm. Je suis maintenant président d'une association qui s'appelle le ROC, c'est-à-dire le Rassemblement des opposants à la chasse. Eh bien, l'un de nos objectifs est de faire modifier une loi qui s'appelle la loi Verdeille, qui stipule qu'un propriétaire d'un terrain n'a pas à partir d'un terrain non clos, bien sûr, n'a pas le droit d'interdire la chasse sur son terrain. C'est lui. Vrai. Il doit le céder, permettre la pénétration sur son terrain aux chasseurs de l'association communale de chasse agréée. Ça paraît d'abord pas très démocratique. Alors nous demandons que cet article, au moins, cette disposition, au moins, ne soit supprimée. Il y a la chasse à cour aussi, qui est encore une horrible survivance du Moyen-Âge. Quoi. Alors les gens vous disent, c'est dans l'intérêt même du cerf, etc., parce que s'il y en avait trop... C'est exact, si on met trop d'animaux dans un espace trop petit, on est obligé d'en supprimer. Il faut en supprimer. Ou alors les capturer par des méthodes humaines avec des tranquillisants et les transporter ailleurs, ça peut se faire aussi. Mais si on est obligé de détruire, par exemple, un animal, qu'elle soit faite par des moyens rapides et exemplaires, humains, qu'on fasse abattre ces bêtes par des chasseurs qui ont des fusils à lunettes, etc. D'autant plus que les chiens maintenant sont relayés, et les chiens arrivent en camion. Et quand une équipe est fatiguée, elle s'arrête et puis on descend une autre équipe d'un camion. Ça devient tout ça pour ces mascarades pittoresques, bien sûr, mais enfin, c'est aberrant, puis c'est périmé. On a parlé, il n'y a pas très longtemps, dans les journaux et enfin dans les médias en général, d'un problème qui me semble important, surtout à vous poser à vous en tant que scientifique. On a parlé de la possibilité de conserver et de stocker des fœtus humains. Oui, depuis un certain temps, on parle dans les journaux d'une proposition anglaise qui d'ailleurs semble soulever quelques difficultés, quelques oppositions en Angleterre, et qui concerne le stockage d'embryons humains jeunes, c'est-à-dire des œufs humains fécondés et ayant commencé leur segmentation, à quel stade, à quel nombre de cellules. Au point de vue biologique, c'est très curieux, c'est remarquable comme réussite technique. Mais je crois que ça peut poser des problèmes si on imagine qu'on puisse réellement stocker des embryons d'hommes, parce que si on peut les stocker durablement, c'est par le froid pour l'instant, si on peut les stocker durablement, pourquoi est-ce qu'on ne pourrait pas un jour les commercialiser et par conséquent les vendre et je me rappelle que pendant la guerre, j'avais fait des causeries à la radio de Dakar, qui ont été réunies d'ailleurs sous le nom de l'hippopotame et le philosophe. Il y en avait une par semaine. Mais alors, dans cette série, il y avait justement des réflexions sur ce qui pourrait se passer si l'homme devenait ovipare, c'est-à-dire qu'il changeait dans l'avenir de mode de reproduction. Mais enfin, ça ressemblait un petit peu à ce dont on nous parle actuellement, parce que j'imaginais ce qui pourrait se passer si on pouvait stocker des œufs humains. Des humains, mais à cette époque-là, j'imaginais qu'ils pourraient ressembler à des œufs d'oiseaux. Alors, ce serait très curieux de voir les catalogues des marchands d'œufs humains avec les caractéristiques des différentes catégories, des œufs d'artilleur par exemple, des œufs d'artilleur qualité super fine, tant des œufs de membres de l'institut garantis sur facture, etc., avec certificat d'origine, tant la douzaine, tant la centaine, etc., des œufs de ceci, des œufs de cela, des œufs d'évêques, des œufs de généraux, des œufs de comédiens, enfin, imaginer des choses pareilles, ça soulève quand même des réflexions singulières. Alors, évidemment, les choses commencent tout doucement, on ne sait jamais, mais on ne sait jamais où ça va mener. Voilà. Et il n'est pas mauvais de réfléchir un petit peu à l'avance avant que des problèmes aussi pittoresques, ou aussi graves tout au moins, ne viennent à se poser. Enfin, c'est un détail, mais je crois qu'on a raison de réfléchir à l'avance à ces questions, parce que trop souvent, on fait les choses uniquement parce qu'on peut les faire. Oui, ça c'est une notion qui m'avait beaucoup frappé, parce que vous avez dit, c'est pas parce qu'on peut faire les choses qu'on doit les faire. Non, parce qu'actuellement on pourrait faire sauter la planète. Nous en avons le pouvoir matériel. Ben, c'est peut-être pas une raison pour arriver jusque-là. Alors voilà, c'est quand même un appel à la prudence, à la réflexion. Enfin, ça, c'est un problème. Vous venez d'entendre l'avant-dernier volet d'une série de 5 entretiens avec Théodore Monod par Jean-Pierre Spilmon et Claude Hervian pour Les Chemins de la Connaissance, diffusé pour la première fois le 25 février 1982. La suite demain à la même heure. Vous pouvez réécouter cette émission durant 1000 jours et la télécharger pendant un an à la page des nuits sur le site franceculture.fr.